Chapitre 3. Le revenant. Monsieur Corbier redoublait de prudence, ne sortant plus le soir, évitant le jour les rues peu passantes, se barricadant la nuit. Il vivait dans un perpétuel état de terreur. Qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un danger occulte, qu'on devine sans pouvoir le déterminer, que l'on appréhende sans pouvoir l'éviter? Cependant, Monsieur Corbier eut quelques jours de répit. Ses ennemis semblaient lui avoir accordé une trêve provisoire. Sans doute était-ce pour mieux choisir leur heure et frapper à coup sûr. Le maître maçon reprenait peu à peu espoir lorsqu'un nouvel événement, plus inattendu encore que les précédents, vint à nouveau jeter le trouble dans son esprit. Un matin qu'il venait de franchir la porte Saint-Denis et s'engager dans le boulevard Bonne-Nouvelle, une véritable apparition surgit à ses yeux et le fit frémir de surprise et de stupeur. Il s'arrêta, médusé, pétrifié sur place. Devant lui arrivait, en sens inverse, un jeune homme de 25 ans environ, au port hautain, à l'attitude fringante. Il marchait, la tête légèrement relevée. Ses nobles traits avaient une expression à la fois dédaigneuse et provocante. Il portait la moustache relevée en croc et la royale. Mais ce qui frappait surtout dans cette mâle physionomie, c'étaient deux yeux noirs au regard flamboyant d'audace et d'intelligence. C'était une de ces têtes peu communes qu'on n'oublie pas quand on les a vues, ne fût-ce qu'un instant. Et moins que tout autre, M. Corbier ne pouvait avoir oublié ce visage qui était gravé en traits indélébiles dans sa mémoire depuis le travail macabre qu'il avait entrepris dans les tragiques circonstances que nous avons rapportées. Le maître maçon venait, en effet, de reconnaître dans l'inconnu qui traversait le boulevard Bonne-Nouvelle la victime dont il avait vu le cadavre enfermé dans un coffre au fond du réduit muré de la maison mystérieuse. Quel était ce prodige? Comment expliquer ce miracle? L'homme mort reparaissait, débordant de vie, fringant et joyeux. Il s'avançait de son pas hautain et calme, et il allait dépasser M. Corbier, lorsque celui-ci, dans un mouvement spontané, se dressa devant lui, les yeux écarquillés, le visage reflétant la stupeur. L'inconnu abaissa sur lui le regard étonné de quelqu'un qui se heurte soudain à un obstacle. « Vous, vous ici ?» s'écria le maître maçon, sans trop savoir ce qu'il disait. Et il balbutia des paroles incohérentes. L'étranger s'était arrêté et le regardait, impassible, attendant qu'il s'explique. Enfin, il dit d'un ton impatienté, « Eh bien, que me voulez-vous » « Ne me reconnaissez-vous pas, monsieur ?» demanda le maître maçon. « Non, à qui ai-je l'honneur de parler ?» À Gustave Corbier, maître maçon. Monsieur Corbier? Oui, monsieur, mon nom ne vous apprendra rien, je le sais. Mais vous vous souviendrez de moi lorsque je vous aurai dit que je suis l'ouvrier qui a été chargé, malgré lui, monsieur, ou bien malgré lui, de murer le réduit au fond duquel vos infâmes meurtriers vous avaient enfermé. Où ai-je été enfermé? Mes meurtriers? Un réduit? Et l'étranger, après avoir écouté avec étonnement les explications qui venaient de lui être données, releva dédaigneusement la tête et darda un regard sévère sur son interlocuteur en lui disant d'un ton sec « Ah ça, monsieur, nous ne sommes pas en temps de carnaval et je ne suppose pas que vous auriez l'audace de vous rire du chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac. » « Loin de moi, monsieur, l'envie de rire, balbutia M. Corbier. J'ai vu des choses trop terribles pour songer à plaisanter. » Et le visage du maître maçon refléta une si douloureuse expression mêlée de soumission et de franchise que la flamme d'indignation qui avait brillé dans les yeux de l'étranger s'adoucit et fit place à la compassion. « Pauvre homme, c'est un fou, » murmura-t-il. Et il se disposa à continuer son chemin. Mais le maître maçon leva vers lui un regard si désespéré et si suppliant que l'étranger s'arrêta de nouveau pour l'écouter. « Je vous en supplie, monsieur, » dit M. Corbier, « ne me repoussez pas. vous pouvez peut-être sauver un homme, le protéger contre les assassins acharnés à sa perte. » À ces mots, un revirement soudain parut se faire dans l'âme de l'étranger. Un éclair de bravoure et de générosité illumina ses beaux yeux. « Jamais, monsieur, je n'ai repoussé de bras qui se tendaient vers moi et imploraient ma protection. Vous souffrez, dites-vous, vous êtes en danger, des ennemis vous menacent. Très bien, monsieur, en ce cas, je suis à vous. Vous pouvez compter entièrement sur mon aide à toute heure du jour ou de la nuit. Chaque fois qu'un ennemi lâche ou puissant cherchera à vous nuire, venez me trouver, je serai là entre vous et lui. » « Et, monsieur, où pourrais-je vous trouver ?» demanda le maître maçon, à qui le ton décidé de l'étranger inspirait confiance, et qui, comme le noyé qui se rattache à une dernière branche, espère trouver quelque secours inattendu. « À l'hôtel de Provence, quai des Grands Augustins, c'est là que je suis descendu. Vous demanderez le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac de Savignac. » « Mon Dieu !» dit l'ouvrier d'une voix hésitante. « Pardonnez-moi, mais je ne parviendrai jamais à retenir tous ces noms. » « En ce cas, vous demanderez tout simplement le chevalier d'Arsac. C'est ainsi que je permets qu'on m'appelle dans l'intimité. « Je regrette, ajouta-t-il avec un sourire, de ne pouvoir vous donner ma carte de visite. Je suis un peu le compatriote de Cyrano de Bergerac. Lui oubliait ses gants sur la face de ses adversaires. Mes cartes à moi se trouvent dans les poches de mes ennemis, à 6 pieds sous terre. » Et le chevalier d'Arsac, ayant salué son interlocuteur, continua son chemin de son pas calme et majestueux de conquérant en promenade. Le maître maçon le regarda partir. « C'est étonnant, se disait-il, c'est bien l'homme que j'ai vu en cette nuit tragique et dont les traits resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Oui, c'est bien ce visage que je n'oublierai jamais et que je ne pourrai confondre. » Pour quelle mystérieuse raison ce chevalier d'Arsac nie-t-il être la victime que j'ai vue baignée de sang ? Il y a dans tout cela un secret terrible et inexplicable.